c'est celle dont on parle dans les livres. Je veux en vivre, mais c'est à des multiples pressions que la vie me livre. Givré par des contraintes quotidiennes qui me dirigent et font de moi un mec givré. Je me devais de dire vraisemblablement, mes semblables mentent pour être libre, pour survivre à l'air libre. C'est en état d'hors la loi qu'ils vibrent la loi. Si tu la respectes pas systématiquement, ton voisin sera prisonnier de toi automatiquement. Mathématique, elle devrait s'élargir à l'infini. Ici, elle commence là où celle de l'autre se finit. Je suis puni, je ne peux être moi, je me transforme en blanche colombe. Mais l'homme ne me laissera pas voler, même de blanche à colombe. Elle est belle, semble irréelle, c'est qu'elle laisse des séquelles quand tu crois trop en elle. Bon, nombre de populations en ont fait une passion. C'est à la sueur du front qu'elle paie cette liberté d'action. Je faxe ce message de paix sans payer de taxes. Y'a qu'une statue de la liberté, elle bouge pas, ça me rend furax. Un maximum de prix pour ceux qui la cherchent comme moi. Monte le son à max dans ta caisse ou assis chez toi. Laisse-nous agir, laisse-nous libres de nos actions. Laisse-nous libres de nos expressions. Nous sommes les soldats de la liberté éternelle. Bats-toi pour elle. Laisse-nous agir, laisse-nous libres de nos actions. Laisse-nous écrire, laisse-nous libres de nos expressions. Nous sommes les soldats de la liberté éternelle. Bats-toi pour elle. La liberté d'être, la liberté d'expression, la liberté de manier les mots en causant des mots. La liberté d'expression en France n'est qu'une mascarade. Part en croisade et on tendrait une embuscade. Combien d'auteurs ont écrit sur les flics, sur les flics, et non point de poursuite judiciaire. Voilà le hic, ils veulent berner le peuple. Mais quand le peuple se réveillera à la justice de l'homme, on la jugera ici. Point de fin de rien qu'un homme singe. Et de que je prends le mic, je déglingue. Ils veulent des hits, ils veulent des salades. Ils veulent que je rentre dans leur hit parade, rien qu'avec des salades. Mais s'il faut que je sois le dernier des Mohicans, le premier des rappeurs à verser son sang, je le ferai. Car je me sens prêt et sans décret concret, sans mes lyrics face à de vrais. Ils souhaitent que le temps trompe nos mémoires, que je sois comme un poisson nageant dans le désert du désespoir. Mais pour tous ceux qui peinent dans cette marée de mer, j'emmerde la sang sur cette politique à serre. Laisse-nous agir, laisse-nous libres de nos actions. Laisse-nous écrire,